Chapitre 7. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ces paroles au peuple, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas jugé digne d'aller en personne vers toi. Mais donne seulement un ordre et mon serviteur sera guéri. » Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non pas même en Israël. Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous ». Et aussi « Dieu est venu secourir son peuple. » Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ?» ou devons-nous en attendre un autre ? » Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux, il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas sa foi en moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » disait-il. « Un roseau agité par le vent ? » ?»« Non. Alors qu'êtes-vous allé voir ? » ?»« Un homme vêtu d'habits magnifiques ? » ?»« Mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. » »« Qu'êtes-vous donc allé voir ? » Un prophète. Oui, je vous le dis, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture affirme, « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple et les collecteurs d'impôts l'écoutaient. Ils avaient reconnu que Dieu est juste et s'étaient fait baptiser par Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi avaient rejeté ce que Dieu voulait pour eux et avaient refusé de se faire baptiser par Jean. Jésus dit encore, « À qui puis-je comparer les hommes d'aujourd'hui ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique dont les uns crient aux autres, « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. » Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin,